approche. Moins d'une heure après la venue au monde de Julien, un photographe lui tire le portrait. On croirait un bébé d'un mois. Plus tard, le préposé à l'administration prendra l'empreinte de ses petits pieds pour les apposer sur son acte de naissance. Entre-temps, on a libéré un lit pour la mère et l'enfant. Faustine pourra garder son fils près d'elle pendant la journée, mais la nuit, il devra rejoindre la pouponnière. La nouvelle maman souffre de cet éloignement, mais on lui fait comprendre que plus vite elle aura récupéré ses forces, plus vite elle pourra rentrer. La première journée s'étire. En partant, Maxime a promis d'appeler dès que possible en Europe pour prévenir les deux grands-mères. On fera un courrier pour tous les autres. Faustine s'ennuie. Elle n'a rien à faire d'intéressant. Elle somnole et récupère de sa courte nuit. À midi, on lui sert un repas consistant. Après tout, accoucher s'apparente à un travail de force. Maxime revient pendant sa pause derrière un immense bouquet de roses jaunes emballées à l'américaine. Chaque fleur séparée des autres. Ça occupe un moment de les détacher. Maxime en profite pour récupérer les données de l'hôpital. Il passera également chez le photographe. Il commandera 50 reproductions de la photo de Julien à coller sur les faire-part. Faustine ayant déclaré vouloir allaiter, l'infirmière du service initie la première tétée en milieu d'après-midi. La maman de Julien est chanceuse. Les prédateurs capitalistes n'osent pas encore, en 1984 aux USA, priver les bébés de lait maternel au profit du lait maternisé. La nurse encourage la jeune mère qui tente, en vain, de placer la tête de Julien sur son sein afin de le stimuler. On dirait qu'il ne comprend pas. Pourtant, il a faim et il manifeste sa frustration. Faustine est désolée. Elle aurait tant voulu que son fils absorbe son premier lait et profite de tous les éléments nutritifs. Refusant de se déclarer vaincue, elle s'obstine. Mais il retourne et l'infirmière s'impatiente sérieusement. En désespoir de cause, elle saisit la tête du nouveau-né et la plaque brutalement sur le mamelon. La réaction est immédiate. Julien s'accroche et commence la succion. « Aïe, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Faustine a les larmes aux yeux. Personne ne l'a prévenue de la douleur fulgurante qu'elle allait ressentir au moment où son utérus se contracterait. L'infirmière lui explique que c'est normal. La succion du mamelon provoque la sécrétion d'ocytocine, une hormone qui agit sur la montée du lait et active la contraction de l'utérus. Chez certaines femmes, ces contractions douloureuses peuvent durer plusieurs semaines. Heureusement, chez elles, cela ne durera que quelques secondes et ne se répétera pas. Aussi peut-elle sans crainte profiter du bonheur de l'allaitement. C'est vraiment formidable d'avoir sa propre usine à ripaille sur soi, d'autant que la taille de la mangeoire est impressionnante. Tous les canaux sont pleins et les robinets d'une solidité à toute épreuve. Bébé n'est pas prêt de manquer. L'apprentie maman, gonflée de délicieuses endorphines, se sent merveilleusement autonome. Vers 18h, comme prévu, la responsable de la nurserie vient chercher le bébé pour le baigner et le coucher. Seule, désœuvrée, trop excitée pour dormir ou se concentrer sur un livre, Faustine, malgré le désagrément des points de suture, parcourt des kilomètres de couloir dans l'espoir de se calmer un peu. De retour dans sa chambre, Faustine trouve le second lit occupé par une nouvelle patiente. Accouchement imminent, comme l'indiquent les gémissements et les cris de plus en plus rapprochés qui empêcheraient quiconque de dormir. Furieuse, parce qu'ils auraient pu mieux organiser la répartition des lits, Faustine s'enfuit. En passant devant la nurserie, elle entend un bébé pleurer. Immédiatement, elle sait que c'est le sien. En 2 secondes, son visage est trempé de larmes et sa chemise de nuit trempée de lait. Elle repère son fils au milieu de 50 autres nourrissons. Personne n'est en présent. Elle se rapproche des cris et vérifie l'étiquette. Oui, c'est bien lui. Elle se penche pour le saisir, mais l'infirmière de garde arrive en courant. Qu'est-ce que vous faites là? Retournez dans votre lit tout de suite. Vous n'avez pas à entrer ici. « Mais c'est mon fils. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le nourrir s'il a faim ?»« Ce n'est pas le moment. Je vous l'apporterai à 6h. » Totalement révoltée par ce manque d'empathie et de souplesse, mais néanmoins intimidée par l'attitude autoritaire de la responsable, la jeune maman, en pleurs, retourne se coucher. Elle ne trouve le sommeil que vers 4 heures, quand l'occupant de l'autre lit est dirigé en salle de travail. Au matin, épuisée, démoralisée, elle se demande si elle supportera une autre nuit comme celle-là. Quand Maxime passe la voir, elle lui raconte ses déboires. « Dans ces conditions, je préfère rentrer chez nous, » conclut-elle. « Et pourquoi pas? Je vais me renseigner sur les risques pour le bébé et pour toi. » Quelques minutes plus tard, Maxime reparaît, tout sourire. Au poste d'infirmerie, ils disent qu'à partir du moment où tu as pigé pour l'allaitement, ça ne pose pas de problème. Ce soir, c'est Halloween. Ils auront besoin de tous les lits. Tu sais, ils ont l'habitude que les femmes accouchent en ambulatoire. Pas étonnant avec les prix qu'ils pratiquent. Bref, ils préviendront l'infirmière qui fait les contrôles de se pointer à la maison dès demain. C'est tout. Tu as droit à 3 visites à domicile et un contrôle postpartum au cabinet gynécologique. Après quoi, tu es censé te débrouiller. Essaye de te reposer. Je reviens vous chercher dès que je sors du boulot. Super, mon amour. Merci. À tout à l'heure. Sitôt que son homme a quitté la pièce, les aides-soignantes amènent les bébés pour la tétée du matin. On explique à Faustine qu'il faut alterner les seins. On lui montre comment poser son fils sur son épaule pour le faire roter. Mais on ne lui explique pas qu'elle devrait inscrire sur un carnet les heures des tétées, l'évolution du poids de son bébé et d'autres informations utiles, comme d'éviter de manger du chou et certaines légumineuses dans un premier temps, pour ne pas provoquer de coliques chez l'enfant. L'ignorance de Faustine sur tous ces sujets est abyssale. Elle ne s'en rend pas compte, convaincue qu'elle apprendra toute seule ce qu'il faut savoir. Il y a des moments dans la vie d'une femme où sa mère lui manque cruellement. Finalement, Maxime passe en début d'après-midi signer les papiers et embarquer tout son petit monde. Faustine sourit. On l'oblige à s'asseoir sur une chaise roulante jusqu'à la porte. Mais dès le seuil franchi, sa sécurité n'a plus d'importance, bien qu'elle soit encore sur le territoire de l'hôpital. Enfin, la petite famille rejoint la maison. Il est difficile de croire que si peu de temps s'est écoulé alors qu'un tsunami vient de bouleverser 3 vies. Maxime est déjà reparti au bureau, laissant Faustine ranger son barda. Il a préparé un joli souper qu'il n'y aura plus qu'à réchauffer ce soir. Lorsque la petite mère veut s'asseoir pour nourrir son fils, elle comprend à ses dépens la justification de la bouée. Le choc sur les sutures fraîches est violent sur le bois de la chaise. Elle court chercher l'objet et le gonfle fissa. Après la tétée, Faustine veut changer son fils avant de le mettre à la sieste. Soudain, elle est complètement perdue. Jusqu'à présent, une infirmière s'en est chargée, mais sans jamais lui montrer comment faire. Tant pis, elle se lance. Pose la couche, essaye de comprendre comment la disposer, attache le système de fermeture comme si elle emballait des œufs. Hélas, la couche ne tient pas. Faustine se trouve très nulle. En désespoir de cause, elle téléphone au bureau, tombe sur son amie Joyce, mère de 4 enfants. Qui vole à son secours dans les 10 minutes. Elle lui explique comment nettoyer, pommader les petites fesses et surtout bien ajuster les bandes adhésives en serrant suffisamment. Les nourrissons sont plus solides qu'ils en ont l'air, tu sais. Merci, répond Faustine reconnaissante. C'est une leçon que je n'oublierai pas. Mais pourquoi on ne vous montre rien à l'hôpital? Parce qu'ils ont des consignes strictes. Tu n'as pas le droit de marcher seul, que ce soit à l'entrée ou à la sortie. S'il arrive quoi que ce soit, à toi d'abord, au bébé ensuite, l'hôpital est tenu pour responsable. Ils n'ont qu'une seule hantise, que tu te retournes contre eux sous n'importe quel prétexte et leur demander dommages et intérêts faramineux. Certains en font un sport, tu sais. Résultat, ils ne prennent plus aucun risque. Par la radio, restée allumée, les deux femmes apprennent l'assassinat d'Indira Gandhi. Comme toujours, dans les médias US, on ne s'attarde pas sur les détails, sinon pour préciser que c'est son fils Rajid qui prendra sa place à la tête du pays. Détail qui intéresse d'abord la finance internationale, marchand d'armes en tête. Faustine accuse le coup. Toute cette violence, pourquoi, pour qui? Elle réalise que c'est dans ce monde-là que son fils va grandir. Son amie n'en sait pas plus qu'elle sur la politique internationale. Pour Joyce, américaine de 3e génération, d'origine allemande, l'Inde est une abstraction. Par contre, le boulot qui l'attend est bien réel, lui. Elle file au bureau. Dans les 24 heures, la petite famille reçoit les faire-part de naissance. Il ne reste plus à Faustine qu'à apposer les photos, écrire les adresses et coller les timbres. Elle s'y attelle, sitôt Julien endormi. C'est vraiment formidable en premier-né, ça dort tout le temps. Laissant maman vaquer à ses occupations ou se reposer quand elle a l'intelligence de savoir s'arrêter. Mais Faustine ne comprend pas tout de suite ce dernier impératif. Elle n'est pas faite de ce bois-là. Elle s'imagine qu'elle va pouvoir, en 2 jours, revenir à sa vie d'avant. Grave illusion que son corps lui fait comprendre sans ménagement. La sage-femme itinérante lui remonte gentiment les bretelles après lui avoir offert une boîte emplie d'échantillons. Elle pèse l'enfant, vérifie qu'il mange bien, qu'il est baigné régulièrement. Il ne fit pas encore ses nuits. Pour ça, il faut patienter. Les premières semaines sont assez difficiles en général. C'est normal. Quant à vous, vos kilos vont s'envoler avec l'allaitement. Vous verrez. Faustine n'en revient pas. Suite à l'envoi des faire-part, chaque jour apporte sa part de cadeaux. Plus de 30 en un mois. On dirait que tout ce que Paris compte de musiciens de jazz s'est mis en 4 pour accueillir le petit bonhomme. Il n'y a pas qu'eux, bien sûr. Sylvie, Mireille et les familles sont de la partie. Cadeau supplémentaire, 2 semaines après la naissance, Faustine a déjà perdu une bonne 15aine de kilos sur les 27. Elle a rendez-vous au cabinet pour le fameux contrôle. Son toubib, après l'avoir examinée et félicitée de sa rapide perte de poids, lui tape sur les fesses et commente à son assistante. Incroyable ces femelles européennes. 3 semaines après l'accouchement, elles sont de nouveau bonnes pour le service. Faustine le prend en pleine poire et comprend que le sexisme et le racisme ne sont pas réservés ici aux femmes de couleur. La vieille Europe aussi est éclaboussée de l'impérialiste mépris. Jamais elle ne l'aurait imaginé. Un matin de mi-novembre, Faustine décide qu'il est temps d'emmener bébé Julien en promenade. Il fait un petit moins 15 degrés, l'hiver est précoce. Elle emmitoufle son fils, l'installe sur son ventre dans le porte-bébé, attrape le transat d'une main, une réserve de couches de l'autre, et hardi petit, en route pour le bureau. Quel succès ! Confortablement installé dans la salle de conférence, Julien le Pacha reçoit les hommages de toutes les dames œuvrant chez Vici. Elles défilent à tour de rôle. Faustine est sommée de raconter son accouchement, encore et encore, et de partager les expériences détaillées des autres mamans. Rares sont celles qui n'ont pas vécu un traumatisme quelconque. Mais toutes sont d'accord pour prétendre que c'était le plus beau jour de leur vie. Sauf Judy. C'est tout de même incroyable ça. On souffre le martyr et on prétend que bébé est passé comme une lettre à la poste. Non, non, et non. Ça fait mal, putain. On n'a pas fini d'en baver. Faustine sait bien que Judy a raison. Mais elle comprend aussi que la plupart des femmes n'ont pas envie de s'éterniser sur les détails scabreux. Sinon, on ne recommencerait jamais, n'est-ce pas? Sans compter qu'elles souhaitent peut-être conserver leur énergie pour les 20 années qui suivent. Au bout d'un moment, bébé en a marre et s'endort. Il est alors temps de rentrer. Lorsque Faustine ouvre sa porte, elle entend sonner le téléphone. À l'autre bout du fil résonne une voix qu'elle avait presque oubliée. Celle de son avocate.